faccia proprio. Hey Mike, fi qua Mike, da basta? Faire comme chanson. Je cherche une chanson. Faire, je sais pas quoi. Sing a French song. Faut que je trouve les accords. Et qu'un caisson de chez elle laisse tomber son feuillet. Sabine qui n'a qu'une quinzaine laisse exploser son émotion par son goût de la révolte sereine et ses passions. La jeunesse est une douleur si ancienne en manque de compréhension. On devrait tous savoir ranger. J'ai trouvé une batterie. Hey, my drum. I'm looking for drums loops. Just for this. Just a minute. Okay. Sur Reaper. Oh non, je pars avec la ride. C'est là. Oh, un truc basique. C'est long, hein? Pas top comme batterie, mais c'est pas grave. Vaut mieux un vrai batteur. Pas terrible le batteur, mais bon, il est carré. Oh merde, j'ai oublié la boucle. J'ai oublié de boucler. Ah, ben tu... C'est le matin. Merci. Non, il fait pas chier, mais il part pas au bon moment, ce connard. C'est les machines, ça. Voilà. Bon, c'est... Ça passe en 32. deux, je crois ça. Allez, 3, 1. c'est l'heure de l'apéro. Je vous souhaite un bon week-end avec un jour férié, ça va être sympa. On se revoit plus tard, Mike. Ciao. Merci aux musicos. Je vais à l'apéro, mon bail. Salut. C'est Stéphane. Thank you. Thank you. Thank you.